Chapitre 16e. Danger des excursions champêtres. Maladie. Il n'est pas facile, le moins du monde, de jouir des beautés de l'Amérique de l'Ouest lorsque l'on se trouve dans le voisinage de quelques curiosités naturelles, sans hasarder grandement sa santé. Rien n'est regardé comme plus dangereux que de s'exposer à la chaleur du milieu du jour, si ce n'est de respirer l'humidité du soir. Et le crépuscule est si court que si vous partez pour une expédition lorsque la chaleur existe encore, vous pouvez à peine faire un demi-mille avant que le soleil ne se couche, et il faut rentrer aussi vite que possible, de crainte d'attraper un rhume. Nous bravâmes ces dangers beaucoup plus, je crois, qu'aucun habitant du pays, sans quoi nous aurions quitté Cincinnati sans connaître ses environs. Nous gardâmes religieusement le serment que nous avions fait de ne plus entreprendre de promenades romantiques dans les forêts de l'Ohio, mais nous passâmes souvent des journées entières dans le Kentucky, suivant les contours d'une crique ou grimpant sur les collines les plus élevées, dans l'espérance d'apercevoir quelque objet nouveau. Une belle vue de l'Ohio ou de sombres détours du Joli Licking étaient toujours les traits les plus remarquables du paysage. Il y avait un lieu si beau que nous lui rendîmes visite plus d'une fois. Il n'était cependant pas à l'abri des moustiques, et il se trouvait sur le bord d'un torrent entouré d'arbres énormes. C'était un de ces lieux dont on nous avait parlé plusieurs fois comme étant un des plus dangereux du pays. Néanmoins, nous bravions tout pour avoir le plaisir de dîner près de notre magnifique torrent et de voir les brillants rayons du soleil danser sur son verdoyant rivage sans pouvoir nous accommoder de leur chaleur. Un peu plus bas, le bassin qui rafraîchissait notre vin formait une cascade d'une dimension suffisante pour donner à nos oreilles l'harmonie d'une chute d'eau et procurer à nos yeux la vue des mille diamants que produit une eau limpide lorsqu'elle est brisée contre des rochers. Nous asseoir près de cette cascade en miniature, y lire ou y rêver pendant un jour, était un de nos plus grands plaisirs. Mais toutes les fois que nous trouvions un réduit pittoresque, ou à la vue du gazon, de la mousse, d'un ombrage touffu, d'une eau limpide et des arbres tombés, majestueux encore dans leurs ruines, nous étions tentés de nous asseoir et de jouir de la fraîcheur, il arrivait toujours, à notre mortel chagrin, que ce lieu était accusé de malaria. Une course en bateau sur l'Ohio était un autre de nos amusements favoris. Il paraît que ces promenades semblaient fort originales dans le pays, car souvent nous excitions les cris des jeunes garçons du rivage comme si nous avions été des monstres marins. Le seul amusement champêtre que nous voyions partagé par les habitants était de manger des fraises et de la crème dans un joli jardin à environ 3 milles de la ville. Nous y vîmes une fois 3 ou 4 voitures, ce qui annonçait un degré de dissipation dont nous n'avions jamais été témoins auparavant. Les fraises étaient assez bonnes, mais la crème avait une couleur bleu ciel qui ne témoignait pas en sa faveur. On demandait un $0.5 à chaque personne. C'était la valeur d'environ la moitié d'un mouton gras, et assez considérablement cher s'il m'est permis de faire usage d'une des phrases expressives du pays. Nous avions souvent entendu répéter par ceux qui connaissaient la contrée que le second été était la plus grande épreuve des Européens établis en Amérique. Mais nous avions atteint le milieu de notre second mois d'août, et à l'exception de la fièvre qu'un de mes fils avait éprouvée pendant l'été qui suivit notre arrivée, nous avions toujours joui d'une santé parfaite. Mais je fus bientôt forcé de reconnaître la vérité de la triste prédiction, et avant la fin du mois d'août, je fus vaincu par le monstre qui erre à travers ce sol de lacs et de rivières et porte partout avec lui la fièvre et la mort. Je passai 9 semaines dans ma chambre, et lorsque je me levais, j'avais plutôt l'air de me rendre vers le champ du potier. C'est ainsi qu'on appelle les cimetières anglais en Amérique, qu'en aucun autre lieu. Longtemps après que je fus rétabli, les effets de ma fièvre se répandirent dans mes membres, et je restai couché dans mon lit, occupé à lire, plusieurs semaines après que j'eusse été déclarée convalescente. On m'apporta divers ouvrages américains. Le roman de M. Flint, intitulé « Francis Berrian », est excellent, un peu trop romantique peut-être, mais il contient des scènes intéressantes et d'autres du plus grand pathétique. Espérance Leslie et Redwood, parmi Sedgwick, une dame américaine, ont tous les deux un grand mérite. Je lus ensuite tous les romans de M. Cooper. Lorsque ces études américaines furent terminées, je ne fermais jamais les yeux sans voir des myriades de crânes sanglants qui flottaient autour de moi. de longues figures de peau rouge se glissaient dans mes rêves d'un pas furtif. Je voyais les yeux brillants des panthères, des forêts en feu, et partout où je m'enfuyais, j'étais poursuivi par un pied léger, un regard subtil et une longue carabine. Une once de calomel suffit à peine pour neutraliser les effets de ces têtes pelées et de ces crânes sanglants. On me conseilla de commencer, pour me distraire, un cours de roman de mœurs. Ce fut un grand soulagement, mais, comme ma tête était passablement faible, je mêlais quelquefois les coquins et les assassins civilisés de M. Bulwer aux sauvages cruels, hommes, femmes et enfants de M. Cooper. Et en vérité, au milieu d'eux, je me trouvais en fort mauvaise compagnie. Je ne pouvais encore ni marcher, ni me tenir debout. Quelle lecture fallait-il entreprendre? Une heureuse pensée me vint. Je recommençais les ouvrages de l'auteur de Waverley. La vigueur de ces admirables volumes sembla se communiquer à mes nerfs. Je cessais d'être languissante, et pendant toute ma convalescence, je continuais ce traitement. Bientôt, je pus marcher, me promener dans une voiture découverte, et ce qui vaut encore mieux, dormir d'un sommeil paisible. Pendant ma convalescence, j'eus la conviction peu agréable que nos espérances sur l'établissement de mon fils à Cincinnati ne seraient jamais réalisées. Bientôt après, il fut saisi de la fièvre bilieuse du pays, qui se termina par la plus affreuse des maladies suivant moi, une fièvre intermittente. Je n'avais jamais auparavant été témoin de ses effets. Il me rendait horriblement malheureuse, tandis que tous ceux qui m'entouraient les considéraient comme peu importants. Je ne crois pas que cette terrible maladie ait un danger immédiat, mais je ne puis pas croire non plus que cette subite prostration de force, ces mouvements convulsifs qui tordent les membres, cette teinte livide qui se répand sur le visage, puissent avoir lieu sans ébranler les principes vitaux. À plusieurs reprises, nous crûmes la maladie terminée, et pendant quelques jours, le pauvre patient lui-même se crut rendu à la santé. Mais la fièvre revenait, disparaissait et revenait encore, et mon fils commença à croire que sa santé était perdue pour jamais. La mienne était bien faible encore, et cependant nous résolûmes de quitter sans plus tarder Cincinnati. La seule cause qui aurait pu nous arrêter était la crainte que M. Trollope, qui devait venir nous rejoindre au printemps, n'arrivât à Cincinnati après notre départ. Cependant, je me décidai à encourir les risques. Mais l'hiver avait été froid, la rivière était glacée, et les bateaux à vapeur ne pouvaient pas partir. La glace résista jusqu'à la fin de février, et nous commencions à nous lasser d'attendre le départ du bateau à vapeur qui devait être le signal du nôtre. La débâcle du Licking et de l'Ohio nous offrit le spectacle le plus imposant. Le soir, la rivière présentait une surface solide, mais le lendemain matin, on voyait une multitude d'îles flottantes de toutes les formes et de toutes les grandeurs, tournant autour les unes des autres avec une violence inconcevable et avec un bruit qui, pour moi, ne ressemblait à aucun son connu. Cette vue nous était fort agréable, car elle nous donnait l'espérance d'un prompt départ, mais mon courage m'abandonna lorsque j'entendis dire qu'un ou deux des bateaux à vapeur, fatigués d'attendre, voulaient partir le lendemain. L'idée de se heurter contre ces îles flottantes était réellement alarmante, et plusieurs personnes m'assurèrent que ces craintes n'étaient pas sans fondement, car des accidents nombreux avaient déjà eu lieu par la même cause. On me parla aussi de la petite rivière de Miami, par l'embouchure de laquelle nous devions passer, et où des masses de glace pourraient bien arrêter notre course. Enfin, nous attendîmes patiemment et prudemment jusqu'à ce que les savants en cette matière nous eurent assuré que nous pouvions partir sans danger.